Section 85 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 85. Notes et pensées. Par Jules Tronchet. Je crois que rien ne se fait bien sans gravité, même les choses en apparence frivoles et légères. Certains problèmes n'exigent que du bon sens et de l'honnêteté pour les résoudre. Il faut toujours craindre en politique de faire le jeu de ses adversaires. La politique ne doit pas être éternellement une question de nerfs. C'est en politique, surtout, qu'il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. On n'a pas plus de droit d'entrer dans la conscience que dans la bourse des gens. On fait souvent bon marché de l'intérêt d'autrui, mais on devient âpre quand il s'agit de son propre intérêt. Dans la lutte des idées, le pot de terre ne doit pas avoir peur du pot de fer. Pour juger les autres, il faut savoir sortir de soi-même. On m'a enseigné au collège tout ce qu'il fallait pour ne pas gagner ma vie. Fin de la section 85, lue par Margot.